à étudier. Tout ce temps bien gaspillé. Pourquoi tous ces professeurs nous font-ils travailler des heures? Moi je voudrais en profiter, parce qu'on n'a droit qu'à une vie. Moi je veux pas la gaspiller, sinon pourquoi nous l'offrir? Sinon pourquoi nous l'offrir?